authentique cartel. M2S, les SLK. Si, si. Turing gras du bide. Autodidacte. 11ème section. Génération, cousin. Putain, la prod, frère. Si, si, ma gueule, ok, ok. Le mal est un accord mineur que j'écris sur ma partition. Il prend possession de mes mains pour rendre vivante ces parties sombres. Déjà un pied dans la tombe, il marque des points à chaque seconde. C'est le MVP de l'année, All-Star Game, si chaque seconde. Dans le jeu, je le combat, même si je suis David et lui Goliath. Je trime dans une mairie pendant que lui brasse des grosses liasses. Un pied dans la tombe, il m'admire, pelle en main. Il rigole de ma souffrance, même si je le regarde d'un air hautain. Putain. Et dire qu'on est ses esclaves, la traite n'est pas finie, il veut nous pendre sur son estrade. Des moyens de pression pour nous faire penser à la mort. Idées sombres et dépression ou bien nous couper de l'amour. Le désespoir nous tue, nous a mettre un pied en enfer. Car le mal nous apprivoise et c'est notre bonheur qu'on enterre. On ne croit plus en rien, tout ça n'est qu'illusion. On s'imagine entre quatre planches, voilà à quoi je fais allusion. Un pied dans la tombe, un flex sur la tempe, la faucheuse attend. La haine, les pleurs, les choses qui feront bander Satan. Un pied dans la tombe, nos corps gisent parmi les ombres. J'ai un pied dans la tombe, on en ressent mille idées dans ma tronche. Un pied dans la tombe, un flex sur la tempe, la faucheuse attend. La haine, les pleurs, les choses qui feront bander Satan. Un pied dans la tombe, nos corps gisent parmi les ombres. J'ai un pied dans la tombe, on en ressent mille idées dans ma tronche. Ce soir, mon diable est au piano pour ce son en guise de messe funéraire. J'ai une tumeur, c'est ce putain de désespoir qui fume les rêves. Faut amputer prière en pleine recherche d'un corps céleste. Âme scarifiée, mate mes yeux, l'enfer a laissé ses lettres. Je suis pas une feuille morte, le vice me fait taffer. Je prends le cash, pas d'attache, plus qu'à prier avant que la branche casse. Je momifie mon beat, j'ai dû confondre le beat et l'Égypte. Mal dans ma vie, mais je veux pas que ma mort égaye celle d'un légiste. Pas d'onction, mon cœur fut balafré par une corne. Je vois cette lumière dans l'œil d'un ange pendu par une corde. Ça pue la mort, fais d'aussi une prière t'emballe. Chante la chanson du diable, le sang d'un prêtre sur ma pierre tombale. L'amour me repousse, ce qui fait que je suis plus attiré par la vie. Courtisé par la mort, l'air greffe, faut que je suis attiré par le vide. La solitude, la dépression, elle est cachée, m'appelle. Chaque jour, je creuse ma tombe. J'espère que ce rap pourra cacher ma pelle. Un pied dans la tombe, un flex sur la tempe, la faucheuse attend. La haine, les pleurs, les choses qui feront brander Satan. Un pied dans la tombe, nos corps gisent parmi les ombres. J'ai un pied dans la tombe, on en ressent mille idées dans ma tronche. Un pied dans la tombe, un flex sur la tempe, la faucheuse attend. La haine, les pleurs, les choses qui feront brander Satan. Un pied dans la tombe, nos corps gisent parmi les ombres. J'ai un pied dans la tombe, on en ressent mille idées dans ma tronche. Chair est dans le sombre, je cogiterai moi mes deux pieds dans la tombe. Je vois la vie d'un côté et la mort au fond, mes deux pieds dans le sombre. Un thème funèbre. Qu'il faut aborder seul dans sa fumette. La haine à la fumée, j'ai vu le pire, c'est que je l'ai pas vu naître. Faut pas vulgaire, mais bon, je vais crever bouffé par les rats. Avant de foutre le pied dans la tombe, j'aimerais me faire bouffer par le rat. On parlera de l'enfer et puis tout ce qui va avec. Crime, châtiment, violence et puis l'oseille, c'est tout ce qui fera l'affaire. J'ai vu le diable en face, je me souviens de lui, mais je peux pas le décrire. Contrat avec le mal, si si messieurs, tout ça a été décrit. C'est pas décrit. Qui te fera entendre quand tu seras de l'autre côté. Et la vie d'un boycotté, tu vas pas goûter, y'a pas que des bons côtés. Au paradis, je peux te garantir, c'est de pire en pire et pire en pire. L'empire, c'est dire que la vie, c'est se tirer plus anéantir. Faut ralentir. Mes bras rentrent-ils, me ralentir, gros à remplir. La mort attire, je vais pas mentir, si tu t'en tires, j'éclate un sbire. Un pied dans la tombe, un flex sur la tempe, la faucheuse attend. La haine, les pleurs, les choses qui feront brander Satan. Un pied dans la tombe, nos corps gisent parmi les ombres. J'ai un pied dans la tombe, on en ressent mille idées dans ma tronche. Un pied dans la tombe, un flex sur la tempe, la faucheuse attend. La haine, les pleurs, les choses qui feront brander Satan. Un pied dans la tombe, nos corps gisent parmi les ombres. J'ai un pied dans la tombe, on en ressent mille idées dans ma tronche. Un pied dans la tombe, un flex sur la tempe, la faucheuse attend. La haine, les pleurs, les choses qui feront brander Satan. Un pied dans la tombe, nos corps gisent parmi les ombres. J'ai un pied dans la tombe, on en ressent mille idées dans ma tronche.